FrenchPod.com. On est arrivé au sommet. On ne regarde pas en bas. Ne t'inquiète pas. Je regarde mes chaussures. Allez, plus haut! J'ai déjà envie de vomir. On y est!